C'est pas raté ou quoi? Ouais, non, c'est pas raté. Thank you. Thank you. Je t'ai acheté un pain, j'ai pris des chèvres, j'ai pris des chèvres. Thank you. Yes. dis bonjour. Mon neveu, tu viens dire bonjour à ces gens, s'il te plaît. Tu dis bonjour. Bon. C'est pas grave. Nous sommes agricultrices et nous sommes actuellement en tournée dans tout le nord-est de la France et Lorraine. Et pour présenter notre projet, certes un peu ambitieux, mais qui nous tient beaucoup à cœur. Ben, c'est ma porte du soleil. T'as mis le temps? Alors, bon, nous faisons, si vous voulez, un travail de sensibilisation de masse face à un ennemi. Bonjour. Ben, on a compris. On peut le dire 15 fois. Alors, Cubella est un peu... Bon, revenons au mouton. Cet ennemi, il attaque les gens. Qui les pousse à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Qui les plonge latéralement dans un état de détresse, comme s'ils étaient possédés. Ou plutôt, des... Moon ! Pendant qu'elle se présente maintenant. Alors, tu penses bien que je l'ai déjà fait ? Alors, elle est tout en décalé aujourd'hui. Faut dire qu'elle était un peu fatiguée parce qu'hier on était à Vesoul. Ça fait qu'à 100 km en quart. Hein ? Bref. La cervelle et vous suce le conscience et vous fait devenir un monstre. C'est rien de vous faire ça toute la séance, mais c'est pas vrai, c'est pénible, c'est hyper pénible. C'était à moi de dire les mots. Alors, mais pourquoi tu recules là? Viens ici, enfin. Et faire toute la marche arrière. Ici. Le Bermout n'est pas un animal, mais c'est bel et bien un parasite qu'il faut éradiquer ensemble. Et nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous apporter des solutions face à cette terrible maladie. Oui, on peut guérir du Bermout. Et Moon ici présent en est la preuve vivante. Il y a un an, Moon a été la malheureuse victime du vermout. Et je dois dire que depuis, elle est épanouie, heureuse, elle est en pleine forme. Oui. Avant son vermout, Moon avait une toute autre situation. Oui, elle vivait en ville, elle travaillait dans une grande entreprise, elle vivait dans un quartier très chic. C'était une working woman à l'époque. Elle s'appelait Marie-Claire. Et c'était une femme indépendante qui se sacrifiait pour son travail. Hein? Elle travaillait dans le nucléaire. Ben oui, bon. Tu nous quittes déjà. Oui? Nous sommes mercredi soir. Moon, fini sa journée de travail habituelle à 23h10 et doit rendre un dossier très important à 7h10 avant. Elle décide de se mettre sous son bureau pour faire un somme. Soudain, le réveil sonne. Les employés arrivent. Marie-Louise, une des secrétaires, la découvre tout ébouriffée. Alors, elle lui tend à peine, aimablement, Marie-Claire la griffe. Et elle séquestre toutes les secrétaires dans la grande salle de réunion. Marie-Cécile, Marie-Thérèse, Marie-Madeleine, tout le monde. Elle se munit. Et Jean-Françoise. Et Jean-Françoise. Elle se munit d'une bombe aérosol et elle graffite sur le mur de la grande salle de réunion la chatte en enfer. Et le cul. Qui c'est qui va les chercher après les bois? Hein? On va faire une potée? Bon, bon, écoute, je vais te donner le pic, Moon, le pic, regarde, pour faire des dessins. Hmm? Là, tu vas sortir tes doigts de ta bouche et tu vas écrire le plan de la conférence au tableau. Allez, au trou. Allez, allez. Sur ce, elle se dirige vers le ficus, la seule plante dans l'immeuble. Elle baisse la culotte. Elle urine dans le pot. Elle arrache la plante, la balance dans le bureau du directeur, et elle se met à courir. Et elle court, elle court, elle court, elle court sur 200 km au moins. Elle passe l'autoroute, les péages, sans payer, et elle arrive en race campagne. Ce jour-là, je suis chez moi. Je suis en train de réparer la clôture. Puis je lève le nez en direction du pré aux vaches. Puis je vois une forme. Et je me dis, c'est pas une forme de vache. Alors, je m'approche et puis, c'est une forme humaine. Au-dessus du puits, c'est en train de gigoter. Ça gigote, ça gigote, ça crie, ça pleure. Ah, c'est tout déformé, c'est pas beau à voir. Ça n'arrête pas. Hein? C'était vous? C'est de moi! Ben oui! Dis-le, Moon! Dis aux gens, qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais voter la vie. Vous vous rendez compte? Elle voulait sauter la vie en sautant dans le vide. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai tenté de la raisonner, je l'ai attrapée. Mais c'est une furie avec ses pattes de griffes pire qu'un poulet qu'on égorge. Alors, je l'ai assommée, je l'ai mise dans la brouette, puis je l'ai ramenée à la Touzette. Elle arrêtait pas de jurer, elle se réveillait, elle se dégradait en origine folle. Alors j'ai donné des cachets qu'on donne aux vaches quand elles sont fantasiées. Puis elle m'a foutu la paix pendant une bonne semaine. Au moins. Alors après, je l'ai emmenée voir Pierre Marcelin qui m'a dit qu'il y a eu un petit entretien avec elle. Et puis quand elle est ressortie, c'était le jour et la nuit, elle était transformée. Je sais pas ce qu'il lui avait fait, mais en tout cas, c'était vraiment un agneau, quoi. Et c'est lui qui m'a dit, elle avait fait le père nous en ville à cause du stress, du travail, tout ça, surmenage. Alors, moi, je l'ai recueilli chez moi, j'avais besoin de bras à la ferme, là, on a passé des bons moments ensemble. Hein. Qu'est-ce que c'est? Dans le cabinet de Père Marcelin, elle te dit « Mon zizi du slip !» parlais debout, hein. Des fois, elle a des fulgurances. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit être le vermouth. Je ne sais pas. Mais vraiment, Mout, tu devrais surveiller ton langage. Hein, alors, revenons au mouton. Nous allons donc voir trois vermouths différents. Hein, il y en a plusieurs. Nous en avons choisi trois pour vous, c'est ça. Le premier vermouth, le plus répandu, le vermouth au travail, c'est-à-dire en bureau. Tu peux faire moins de bruit? Merci. Le bébé, hein, que nous allons appeler ça le bébé. Le deuxième vermouth, et bien ce sera le vermouth en vie. Oh, tu ne sais pas mettre un téléphone sur une table, enfin. Le filet à mener. Donc, le vermouth en vie, le bébé, et troisième et dernier vermouth, le vermouth à domicile, le bébé. Trois vermouths. Montrer un petit peu hein, dans quel contexte le vermouth peut survenir. Alors, ces démonstrations, ça s'installe. Oui. Ben, quand on danse, surtout. Alors, vermouth, c'est bien anglais. Ça veut dire brûler dehors. Ça veut bien dire que ça vous consume de l'intérieur. Hein? Ça, c'est un paradoxe. Qu'est-ce que tu bouffes? Qu'est-ce que c'est, ça, Moon? Oh, enfin! C'est un pain au lait! Oui, mais je vois bien que c'est un pain au lait, mais on a mangé à midi un sandwich avec une salade, ça t'a pas suffi? Oh, écoute, range ça, ce n'est pas le moment, tu sais bien. En plus, c'est bourré de. Bon, est-ce qu'on peut faire cette démonstration? Tu es prête? C'est bon? Je suis prête. Ouais, c'est bien. Pas trop tôt. Place à l'actrice. Vous allez voir. C'est très réaliste. Elle a connu. Thank you. surgit pas de nulle part. Oui, monsieur, s'il vous plaît, je suis occupée, merci. Il surgit de manière violente. Monsieur, je suis en conférence avec Marie-Paul, s'il vous plaît, merci de ne pas me déranger. Bon, ben, ce qu'il faut faire dans ce... Monsieur, qu'est-ce que je viens vous dire, alors? Ça sent vierge ou quoi? Oh, pas de faire ma tête, hein? C'est pénible! Ce qu'il faut faire dans ce type de situation... Bah, ça, c'est quoi, ce gribouillis? Alors, ça va faire un topi et tout en décalé ou quoi? Le plus simple, c'est de prendre vos affaires et puis de les trier. T'es une poule, manique du foie! Quand tu vas arrêter de chercher, connard! Oh! Tu leur accroches au nez. Toi, tu iras dormir à l'écurie en rentrant. Hein? Non, j'aime pas les gros sabots. Moi, tu iras nourrir les cochons. Peste. Bon. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce type... C'est fini, oui. Dans ce type de situation. Eh ben, c'est très simple. Eh ben, tout jeter et démissionner. Ah, voilà la solution. Parce que pas de travail, pas de stress, pas de burn-out. Se reposer un peu. Pour se reposer un peu. Pour une fois. On peut pas toujours travailler. Ah, non, ça... Oh, ça a été un peu. Alors, c'est moi qui range. Oh, bah, c'est toi qui range alors. Eh bah, presse-toi, parce qu'on n'a pas toute la journée. Bon, passons maintenant à la deuxième démonstration. Le burn-out en vie. Alors, allons mettre quelque chose au clair. Il faut savoir. Il y a beaucoup plus de burn-out en ville. Voyez ? Ouais. Il y a beaucoup plus de burn-out en ville qu'à la campagne. Pensez-vous à la campagne ? Nous ne voyons pas de burn-out. Bah non, parce que le grand air, les grands espaces verts, aucun problème. Mais quand vous arrivez en ville, vous pouvez choper le burn-out. Oui, parce que les transports en commun, par exemple, il faut les prendre, et c'est en commun. Alors, il y a toujours beaucoup de monde, les gens vous poussent, ils sont pressés, ah, c'est beaucoup de stress. Les feux rouges, il y en a partout, hein. Et puis, crotte de chien. Crotte de chien, mais oui, vous pouvez rigoler. Bien sûr, il y en a partout en ville. Oui, alors, un exemple. Vous devez aller au travail. Déjà, vous n'avez pas beaucoup envie d'aller au travail. En ville, hein. Vous ouvrez votre porte, et qu'est-ce qu'il y a pour vous accueillir? Une grotte de chien. Ah oui? Ah mais si on multiplie le nombre de rues par le nombre de crottes de chien, oh, excusez-moi, mais c'est emmerdant, il y en a beaucoup trop, c'est beaucoup trop de stress. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut pas vivre comme ça. Et il y a la crotte de pigeon aussi. Oui, c'est vrai, elle a raison, une crotte de pigeon. Puis voilà, la pollution, n'en parlons pas. La pollution, ça sent mauvais. Oui, n'en parlons pas. Allez, passons à la démonstration, vous allez mieux comprendre. Allez, la démonstration. Nous allons vous faire une petite entrée. Le pire, quoi. Mais nous, tu dérailles complètement aujourd'hui, alors. Non, non, on va pas. Comme tu dis, c'est vrai qu'il n'y a qu'en ville qu'on trouve ce genre de collection. Non, on va pas acheter une vidéo de choses. Qu'est-ce qu'on va aller acheter? Des souliers. Oui, par exemple. Allez. C'est à gauche. C'est à droite. Demi-tour. Droite. Gauche. Demi-tour. Gauche. Droite. Gauche. Demi-tour. Gauche. Gauche. Gauche. Droite. Feu rouge. Feu vert. Feu rouge. Feu vert. Feu rouge. Demi-tour. Des piétons passent. Des voitures poussent. Ah, c'est parti. Sinon, quelqu'un se ramène avec un poireau. Hein? Bon! Allô? Ça va? Oui, oui. C'est ça, hein? Elle le fait bien, parce que c'est ça, c'est la transe. Eh oui. Alors, passons maintenant au troisième Bernout. Le Bernout à domicile. Ah bah. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le Bernout à domicile, c'est très simple. C'est le plus traître. C'est celui qui arrive quand vous vous y attendez moins. Oui, parce qu'après votre journée de travail, vous en avez plein les biches et vous rentrez enfin chez vous. Sauf que vous n'avez pas les clés. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, faut faire tourner la baraque. Et puis, il faut trouver un endroit par où rentrer. Ah! Quelqu'un a laissé une fenêtre ouverte. La fenêtre de la salle de bain. Et puis, évidemment, il faut grimper. Hein, alors, vous vous faites mal, vous vous coincez, il y a des ronces, ça pique. Et vous arrivez et vous foutez les pieds dans la flotte. Parce qu'il y a un petit malin qui n'a pas vidé la douche. Alors, c'est trempé. Puis, vous sortez de la baignoire et là, vous marchez dans une merde de chien. Parce qu'il y a un autre petit malin, il n'a pas sorti le cleps de la journée. Alors, le cleps, il chie. Voilà. Alors après, vous arrivez dans le salon. Et dans le salon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est ma robe de chambre. Surprise. Ah bah, c'est une belle surprise. C'est pour faire le Bernout à domicile. Oui, oui. Ça veut surtout dire que tu allais fouiller dans mes placards. Vilaine, tu sais très bien que j'aime pas ça, hein. Est-ce que tu as ouvert le troisième tiroir en partant de la gauche? Apparemment, non. Bon, c'est pas grave, vous. J'approchais lundi avec le dimanche. Mais pas mardi avec le samedi, puis personne n'y va un petit peu. Bon, et installe-toi. Je finis. Ouais. Vous arrivez dans le salon. Qu'est-ce qu'il y a dans le salon? C'est le bordel. Il y a vos gamins qui chialent dans un coin, hein, et qui sont avec leurs jeux débiles, qui regardent la télé, parce qu'ils ont fait leur devoir. Vous leur demandez même pas, parce que vous savez très bien que c'est non. Hein, puis vous envoie chier, évidemment. Hein. Et puis vous arrivez à la cuisine, il n'y a rien qui est fait. Vous ouvrez le frigo, il n'y a rien, parce que personne n'a fait les courses. Il est où l'autre? Ben l'autre, il est au PMU en train de se bourrer la gueule avec ses potes. Ben bah, bien sûr. Et puis il en a rien à branler, votre life. Eh ouais, parce que vous, vous bossez, mais lui, il ne faut rien. Eh ouais, bien sûr. Et puis il n'a pas fait la vaisselle, il n'a pas fait les courses. Les gamins, ils sont complètement cons. Et puis ils ont décidé de prendre la fête. Évidemment, hein? Alors qu'est-ce que vous allez faire, hein? Il est minuit, vous en avez ras le seau, vous en pouvez plus, et ben vous allez vous faire un petit plaisir solide. Le potage. Voilà. Alors justement, potage pour que tu puisses savourer ton petit plaisir solitaire. Il en reste un peu. Voilà. Là. Tu sais, des fois, tu me gâches la vie. Tu comprends ça? Hein? Pardon. Pardon, pardon. Bah oui, tu peux dire pardon. Et puis surtout, tu finiras ton assiette. Marie-Claude. Rigole. Marie-Claude. Hein? Quoi? Ça me pique. Ah, oh oui, tu verrais ta goule. Oh, je crois qu'il y a un torchon ici. On va trouver un petit torchon. Tiens. Bah, tu bouffes encore. Mais c'est pas vrai, mais la terre solitaire. Je vais t'emmener chez le véto. Ah bah attends. On va te rajouter un petit peu de crème. Là. Voilà. Dedans. Hein? Parce que le velouté à la crème, c'est quand même meilleur. Hmm? Eh oui. Marie-Paul. Tiens. Marie-Paul. Bon app. Marie-Paul. Marie-Paul. Voilà. Marie-Paul. Quoi? En tout cas, t'as fait un bon petit bernout, hein? C'était très convaincant. Bon, alors, nous avons vu plein de bernouts différents, il y en a plein d'autres. Alors, nous vous invitons à venir faire un stage dans notre ville, à la Toussaint. Ça peut dépendre, hein? Si vous avez besoin déjà de faire un diagnostic, le père Mercelin vous recevra dans son cabinet privé, aucun problème. Ça peut varier de une semaine à 8 mois. Mais non, si vous avez un bernout de porte 6, je vous conseille les 8 mois directement. C'est plus sûr. Alors, retrouvons-nous après la séance pour partager un peu d'air et puis parler un petit peu des j'ai oublié de vous dire, c'est un radar à bernout. Elle a un tour depuis qu'elle a fait son bernout. Oui, elle détecte les bernouts. Excusez-moi de vous dire, mais il y a des gens parmi vous ce soir qui ont fait ou qui vont faire un bernout. Qu'est-ce que c'est? C'est un bernout très puissant. Oui, c'est un bernout de force 1000. De force 1000? Mais il faut absolument, il faut des soins à cette personne. Vite, entourez la personne. Vite, c'est très important. Elle pourrait mourir d'un moment à l'autre. Vite, faites cocon. Faites cocon. Cocon. Faites cocon. Faites cocon. Oui. C'est mon don. C'est son don. C'est mon don. Faites cocon. C'est comme une sainte. Faites cocon. C'est mon don. Elle peut voir. C'est mon don. Faites cocon. À travers vos yeux, elle peut voir. SOS. Oui, laissez-la faire. Elle va sûrement rentrer en transe. Laissez-la faire. Tout va bien. Tout va bien. Faites cocon tous, vite. Oh, c'est mon don. Oui, c'est bien, vous. Il faut l'encourager. Au moins, vous êtes dépisté. Écoutez, retrouvons-nous pour que vous puissiez faire un stage avec vous. On garde les coordonnées après. Nous avons les BSL à la tête. Oh, oui. Marie-Claude, elle pourra dormir dans la cocotterie. Ah oui, on va... Denis. Elle est contente, elle en est pas. Acheter un mec qui est peintre qui allait faire la... vieux, il a dit bah, j'ai 92 ans, ma voiture, je l'ai acheté il y a 30 ans, je m'en sers plus, je te la donne et t'en fais ce que tu veux. 750. Et genre, la bagnole, elle était que dans un garage, elle était que à ce vieux. Non, mais genre, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, mais le cendrier, par exemple, le cendrier neuf. Genre, je l'ai ouvert, il est genre magasin, tu vois. Il y a le cendrier même dans les portes arrière. Non, mais c'est une bagnole, c'est vraiment. C'est genre, enfin voilà, il y a plein de trucs qui n'ont jamais été utilisés dans la voiture. C'est neuf. C'est ouf. Et en fait, le mec, je pense qu'il n'a jamais allumé son autoradio. Il y a moyen qu'il n'ait jamais conduit avec de la musique, du coup, que l'autoradio n'ait jamais été allumé. Et le, et ben, en gros, le truc qui fait tourner les cassettes ne marche pas. La tête de lecture, elle marche quand je mets une cassette, je sais pas si tu veux, pour brancher les MP3. Ça, ça marche, du coup, parce qu'il ne faut pas que la cassette elle tourne. Mais, sinon, j'achète un autoradio, c'est pas très cool. Mais elle est trop bien. Alors, je suis deg, il n'y a pas 5 places, c'est 4 places homologuées. Par contre, c'est 4 places, genre, bien tranquille. Siège bien moelle, genre, plein de places. Ah ouais, mais ça, c'est... Non, mais au pire, on en fera 5 et puis. Enfin. En fait, le seul problème, c'est. C'est les accidents. Non, mais si la police, elle t'arrête en général et te met pas une amende, mais juste la personne, elle descend. Mais c'était, genre, je sais pas moi. Ouais, ou sinon, ouais. Et j'ai resté à Mulhouse, la personne elle descend, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, je suis là, je suis heureux de. Du 8, du 7ème. Franchement, je suis super content. Presque en vrai, alors là, demain, j'avais l'école en caisse. Non, mais je vais pas faire ça, c'est une situation d'avant. Oh, c'est quel lot d'Auvergne, Mulhouse derrière. Enfin, version. Ah ouais. On pensait que ça allait être bon. Mais lui, on ira faire un tour. Mais au moins, les pelotes. Bah oui. C'est les bonnets. Quelqu'un qui peut la ramener, déjà du coup ce serait gratuit. Enfin, je veux dire, juste avec quelqu'un la conduite pour la ramener. J'ai des bouchons. Ça lui fait un trajet gratos et moi ça m'arrange. Quoi? Mais non, mais peut-être pas, je te demandais si toi t'as envie. Tu veux. Bravo pour le gardien. Merci. Tiens, bah attends. Non, mais je sais. Bah, avec la mienne. Et il y a celle de la mère qui va ramener la mienne. Parce que je viens de l'acheter, genre, ça me fait vraiment mal d'aller à Clermont sans ma caisse. Ouais, je peux rentrer avec c'est les bonnes nommées. Non, le spectacle, ouais. C'est les bonnes nommées. Non, c'est vraiment ça. Thank you.